Vous écoutez Paris sur la bouche, le podcast des petites ou grandes histoires liées à un baiser donné dans les rues parisiennes. Ok, on est à Montmartre, rue d'Orcel. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ici il y a quelques mois, plus de 6 mois, j'ai embrassé quelqu'un sur ce trottoir. C'est un long baiser parce que je dirais que si on met au cumulé, on a dû s'embrasser pendant à peu près 2 heures. Donc c'était un long moment. Oui. 2 heures là. Ouais, 2 heures là. Ok. Mais si je dois faire l'historique un peu de ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'était quelqu'un que j'avais déjà embrassé 6 mois avant ça. Que j'avais rencontré dans le bar devant lequel on s'embrassait là la dernière fois en soirée. Et bref, ça a bien accroché. On est allé danser pas très loin d'ici. Et il a fini par essayer de m'embrasser, chose que j'avais refusée à ce moment-là parce qu'il était en couple et je le savais et que je ne voulais pas me mettre là-dedans. Mais bref, l'alcool et ses mains touchant mon bras aidant, j'ai fini par craquer au bout d'un moment. Et déjà, cette première soirée, je pense qu'on avait dû s'embrasser pendant 1h30 dans cette boîte où on était en train de danser. Bref, donc on revient à ce deuxième baiser. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé. Je suis arrivée au bar ce soir-là avec l'objectif de ne boire qu'une pinte. Évidemment, j'en ai bu quelques-unes de plus. Et j'étais avec une amie qui a fini par partir. Mmh. et je suis restée avec ce mec, comment on va l'appeler ? Appelons-le Gaston. Je suis restée avec Gaston, qui était toujours avec sa copine. Et entre-temps, j'avais appris en plus que sa copine était enceinte. Mmh. Mais bref, du coup, on a bu, on a continué à boire des verres et à discuter. On sait tous les deux très bien qu'on est restés parce qu'on savait... On attendait qu'il se passe quelque chose sans le verbaliser plus que ça, mais bon. Et un verre après l'autre, la conversation est arrivée sur ce qui s'était passé 6 mois avant. Donc la première fois, on s'était embrassés. Mmh. Et il m'a dit qu'à cette époque, ça l'avait beaucoup perturbé et qu'évidemment, il avait pensé à quitter sa copine, mais qu'il ne l'avait pas fait parce que 2 semaines après ça, il avait appris qu'elle était enceinte. Donc voilà, après c'est assez flou parce qu'avec l'alcool etc, mais il a dû me dire, comme le discours de tous ces gens très indécis qui ne sont pas capables de faire des choix, que j'étais une personne extraordinaire, bla bla bla, la tartine, le Nutella, tout ça, enfin c'est vrai hein, mais mais bon voilà, on connaît la chanson. Et du coup le bar a fermé à 2h du matin et on a commencé à sortir. Et au lieu de tourner à gauche pour rentrer chez moi, je suis tournée à droite. J'ai tourné à droite pour le raccompagner à son scooter qui était 2 mètres devant le bar. Et on a continué à discuter. Et je pense que c'est moi, je prends ma responsabilité, c'est moi qui ai commencé à l'embrasser. Mmh. Et on a dû s'embrasser pendant 2 heures à peu près. Rétrospectivement, on a quand même été assez sages parce que j'habite à 10 minutes à pied de là, donc on aurait pu rentrer chez moi et coucher ensemble. Ouais. Mais après, j'avoue que c'était un peu ma limite personnelle de pas aller plus loin. Bon, après, c'est moi et ma morale et ma culpabilité, mais parce que c'était déjà beaucoup trop, très probablement. Voilà, et en fait, ce qui est assez particulier avec lui, et déjà ça avait été le cas lors du premier baiser, c'est que c'est quelqu'un avec qui on a une alchimie extrêmement forte, qui n'a rien à voir avec notre attirance intellectuelle, parce qu'en vrai on a, je pense, pas grand chose à se raconter, à part les moments où on parle du fait qu'on aurait pu être ensemble, alors qu'en fait c'est pas vrai, mais bon, bref, voilà. Mais c'est quelqu'un avec qui physiquement il y avait une attirance qui était très très forte, et la première fois qu'on s'est embrassé, c'était comme si... c'était hyper naturel en fait. Et même avec des gens que j'ai aimés, avec qui je suis restée longtemps, j'ai jamais ressenti ça. Donc après, je pense que c'est comme ça, c'est la vie, hein. C'est pas forcément... Mais ouais, il y avait une alchimie extrêmement forte. Et du coup, là, je m'étais dit, ah, mais peut-être que c'était la première fois, parce que c'était la première fois, justement, qu'on avait bu et que voilà. Est-ce que la seconde fois, si on se rembrasse, ce sera pareil ? C'était exactement la même chose. Et ouais, vraiment, une fluidité assez perturbante. Tu sais, quand tu... parce qu'au début, quand tu commences à embrasser quelqu'un que tu connais pas trop, il y a ce côté où il faut se caler un peu sur le rythme de chacun. Enfin, potentiellement, il y a un petit temps d'adaptation des corps l'un à l'autre. Et là, c'était un peu comme si on partageait le même cerveau qui animait la chose. Donc, c'était assez perturbant. Je ne sais pas si je recroiserai quelqu'un avec qui c'est comme ça dans ma vie. On verra bien, peu importe, de toute façon. Du coup, c'est vrai que c'est un peu frustrant d'avoir jamais couché avec lui malgré tout. Parce que tu dis que quand t'as ce degré d'alchimie avec quelqu'un à ce stade-là, potentiellement sur la suite, ça peut être plutôt pas mal. Après, ouais. Mais bon, il s'avère que ce soir-là, on a essayé de se détacher l'un de l'autre pendant un long moment, ce qu'on n'a pas réussi à faire. Et vraiment, ça a duré 2 heures, puisque je me rappelle quand on est parti, il était 4h du matin. Ok. Donc voilà, il a fini par dire non mais là il faut que je rentre et que voilà. Donc il a mis son casque et il est monté sur son scooter et il est reparti se coucher à côté de sa nana enceinte. Alors après, oui, classe moyenne. Et après t'es pas obligé de répondre, mais est-ce que tu l'as revu après ? Non, non, je l'ai pas revu. En fait, moi ça a été un petit peu le moment où je me suis dit bon là il faut faire en sorte que... Enfin, faut changer de dynamique, là. Parce que, voilà, c'était... Ça faisait 1 an et demi que j'étais célibataire. Mm-hmm. Et je commençais tout juste à me dire, là, je suis prête à rencontrer quelqu'un. Mais j'arrêtais pas de rencontrer des gens qui étaient pas disponibles ou qui étaient pas bien ou qui me ghostaient. Enfin, bref, voilà, d'autres résistants. Ouais. Et là, je me suis dit, il faut que tu fasses remonter ton niveau d'énergie personnelle parce que sinon, tu vas continuer à attirer ce genre de personnes. Et c'est pas la vie que j'ai envie d'avoir. J'ai pas envie d'être... J'ai pas de vocation à devenir... Je le dis sans jugement, mais j'ai pas de vocation à être maîtresse de quelqu'un. Je trouve que c'est des situations de souffrance qui sont beaucoup trop grandes, la majorité du temps en tout cas. Mmh. Et j'avais pas du tout envie de rentrer là-dedans. Et de toute façon, en plus, encore une fois, ce que je dis, moi, je culpabilise très rapidement. Et le surlendemain de ce soir-là, je pense que j'ai passé 3 heures dans mon canapé à pleurer à cause de ça. Parce que je me sentais comme une merde. Et en fait, c'était très compliqué parce que d'un côté, j'avais ce désir vraiment physique extrêmement fort. Mmh. Et bon, qui est d'autant plus fort que à l'époque, ça faisait au moins 1 an que j'avais couché avec personne. Et c'était le seul mec que j'avais embrassé en fait au cumul depuis 1 an aussi. Ouais. Et donc du coup, je sais plus ce que je veux dire. Oui, du coup, j'avais cette dissonance qui était que j'avais un désir très fort pour lui, mais en même temps, j'avais une culpabilité qui était énorme et qui faisait que... D'un côté, j'avais envie de lui envoyer un message pour lui dire « Vas-y, viens, c'est bon, on s'en fout. Mm-hmm. » Et de l'autre, je pouvais pas le faire et je savais que si je le faisais, j'allais culpabiliser pendant des mois. Du coup, à partir de ce jour-là, ouais, je me suis dit qu'il fallait... Arrêtez, il fallait remonter un petit peu d'un cran. Et enfin, non, c'est pas tout à fait. Je l'ai recroisé, on l'a recroisé en soirée, mais on était plusieurs. Ok. J'ai donné des ordres express qui étaient de ne pas m'abandonner seule avec lui. Parce que même si je sais que c'est pas ce que j'ai envie, je sais aussi ce que les hormones peuvent faire à un être humain. Mmh. Et qu'il faut savoir, et l'alcool, ouais. Donc, parce que sans alcool ça va, mais bon, voilà. Mmh. Donc voilà, l'ordre était donné de ne pas me laisser seule à aucun moment avec lui. Et donc j'ai fini par rentrer sans qu'il se passe rien. Et en plus c'était 3 mois après je pense. Ouais. Ce soir quand je l'ai vu, sachant que c'était 10 jours avant l'accouchement de sa meuf, je me suis dit c'est quand même assez triste. Tu es au bar avec moi. Bon, il y avait aussi d'autres personnes, mais bon, tu voyais bien qu'il attendait quelque chose. Et oh, t'inquiète. et du coup, je me suis dit, ouais, c'est un peu triste, quoi, quand même, pour lui. Et en fait, j'ai pas envie de ça. C'est pas l'énergie que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Okay. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais voilà, moi, je trouve que finalement, vaut mieux être seul que d'être dans ce genre de relation pour moi. Ouais. Et après, il m'a recontacté. Juste avant le nouvel an, il m'a envoyé un message parce que c'est un an d'amitié sur Facebook. Okay. Pour me souhaiter un bon anniversaire, je n'ai pas répondu. Il y a 2 semaines, je pense, il m'a renvoyé un. Il y a 3 semaines, il a commenté un post sur Facebook aussi, je n'ai pas répondu. Ouais. On connaît aussi encore une fois les gens un peu comme ça, on sait qu'ils reviennent encore et encore pour que tu ne les oublies pas tout en étant jamais capable de prendre de décision. Après, objectivement, c'est pas du tout un mec pour moi. Mm-hmm. Enfin, en plus. Vu ce qu'il est déjà de base, vu ce qu'il est capable de faire à sa copine, c'est pas le genre de personne que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Et d'une façon générale, je pense pas que niveau déconstruction, je pense qu'on n'est pas assez, on n'est pas assez avancé. Donc voilà. Après, j'avoue qu'il y a encore des jours où je me dis, parce que depuis, j'ai toujours couché avec personne, donc ça fait genre ça fait longtemps. Mm-hmm. Et comme tu sais qu'il y a cette alchimie, des fois tu dis ah bon, ce serait bien, genre là, comme par magie, il serait célibataire pendant 3 jours et on coucherait ensemble, ce serait bien. Et puis hop, là, on est comme ça. Mais bon, bref, voilà, c'est dans mes délires personnels, ce n'est pas dans la vraie vie. Mm-hmm. Mais voilà, donc non, mais bon, je sais qu'il va repoper de temps en temps. J'ai pas de... Et tu penses que tu vas tenir ou est-ce qu'il faut encore te surveiller ? Non, mais tant que je le vois pas physiquement, je pense que réussir à lui dire non quand je le vois pas, ça, j'ai pas trop de doutes. Mm-hmm. Et je le verrai pas. Après, si on se croise, non, je pense que globalement, ça devrait aller. J'espère. Ouais. ça devrait être bon. Mais bon.